On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Y'a qu'à mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm going on, I'm going to go. On the rocks. Yeah. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à tous les petits amis, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30. Vous avez reconnu la voix de Catherine Ragé, la voix d'Arthur Rage. C'est le générique dans The Rock. C'est parti pour une heure et demie de musique. Je vous ai prévu 19 nouveautés ce soir à vous mettre dans les oreilles. Donc plein de choses à vous faire écouter en une heure et demie. Des choses toutes chaudes, toutes récentes sorties. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc je vais arrêter de causer beaucoup. Le coup de cœur ce soir, on va commencer avec une petite collaboration qui, moi, me ravit. D'abord parce que le premier, celui qui signe le morceau et qui est le chef, un peu le patron du morceau qu'on va écouter maintenant, c'est Perfume Genius, alias Mike Edress, un chanteur américain qu'on s'est déjà diffusé dans The Rocks. Mais pour ce morceau, tout nouveau morceau qu'il vient de sortir il y a quelques jours, il s'est accoquiné avec une de mes chouchoutes éternelles. Et j'avais fait une interview filmée en plus et très mal traduite par moi il y a quelques années lors de son passage à l'Astrolabe. C'est la grande, l'habitée, la formidable Aldous Harding. Eh bien, Perfume Genius et Aldous Harding nous livrent ce morceau qui s'appelle No Front qu'on va se passer maintenant dans The Rocks et j'espère que ça va vous plaire autant que moi. Ça commence plutôt tranquille mais ça va un petit peu péter au milieu du morceau, je ne vous dis que ça. Vous êtes dans The Rocks, Radio Arc-en-Ciel 96.2, OnTheRocks.net, en rediffusion sur ZEF à Blois, où vous voulez, quand vous voulez, et le coup de cœur c'est maintenant. Take everything I want. suburban houses with white picket fences. I know porch swings and I know separate carriages. And I know the importance of a dedicated, located space for the Christmas tree. And I know Joni Mitchell's voice and how she uses it. Ça commence fort ce soir dans The Rocks. Nous comptons d'avoir sorti un des meilleurs albums de l'année 2024 qu'on se visite allègrement dans les émissions depuis quelques semaines. Eh bien, King Anna, qu'on vient d'entendre, ce duo de Liverpool, récidive avec ce morceau abrasif et vénéneux. C'était Left Lover's Kiss, un morceau qui ne figure pas sur l'album, si je ne dis pas bêtise, mais en tout cas qui vient de sortir avec un petit vidéoclip culinaire. Et puis, juste avant, c'était Perfume Genius avec Aldous Harding et ce morceau en montagne russe qui, moi, me fait beaucoup d'effet. On aimerait bien voir King Anna un jour en concert par chez nous à Orléans. Ça pourrait être pas mal, ce petit duo là, je sais pas, au pop-up par exemple. Bah voilà, un autre duo, un duo de frangines qui, elles, seront en concert à Orléans, et ça, ça va être un grand moment. Ce sera le 13 mai prochain. Elles s'appellent Madame Cassidy, puisqu'elles sont sœurs, les sœurs Cassidy, pardon, et le groupe, vous le connaissez mieux, sous le nom de Coco Rosie, qui avait livré l'année dernière un EP avec un pianiste, juste piano-voix. Et bien là, elles reviennent à des choses beaucoup plus produites et beaucoup plus bruyantes. Voici donc Coco Rosie avec le morceau Yesterday, c'est une nouveauté, c'est tiré du dernier album, et elles le défendront sur scène, sur la scène de l'Astrolabe à Orléans, le 13 mai prochain. Baby cry, baby why, baby tears from Ce morceau Praise est tiré du dernier album de Panda Beer avec, vous l'avez probablement noté si vous avez deux oreilles en état de marche, et si vous écoutez The Rock, c'est que vous avez des oreilles en état de marche, bien sûr, un certain complexe Beach Boys qui ressort sur cet album, mais il le fait très bien. L'album est chouette et sympa, ça peut être un album à écouter en musique de fond, c'est vraiment, et on peut l'écouter aussi un peu plus attentivement, mais c'est un album qui met une bonne ambiance. Je vous conseille donc cet album, le dernier album en date de Panda Beer qui vient juste de sortir à l'instant, et qui, avec ce morceau qui pour moi est peut-être mon préféré de l'album. Le morceau s'appelle Praise. On va continuer avec cette avalanche de nouveautés avec des Américains qui s'appellent Alex Sucks. C'est le nom du morceau. Je sais pas qui est Alex, mais tant pis pour lui. S'il devient célèbre, il va prendre. Lui, Warm in the Sun, c'est le nom du morceau et c'est dans The Rock, c'est maintenant. In clown white, all these elegant boys make such delicate toys, and they know it. He says, I know you wanna believe in something, but if you could just see all the people in me, then the shadows descend from his eyes to his hands, down to his naked all-American knees. Doesn't anybody wanna be a rock and roll queen? Dress yourself up in a diamond tiara. Swish your little rake. He says, man, I'm gonna make them the same. I'm a painkiller and I'm a caterpillar. They can't break you, man. Says she's one in a million. Other people tend to agree. From her fishnet luck to her platform chucks, she's a fading Miss American dream. But her daddy couldn't keep his distance. She says you can't keep him away if you try. The saddest mistakes are the ones that we make, pushing away what's right in front of our eyes. Doesn't anybody wanna be a rock and roll queen? Leave them laughing when you wanna die. Crazy. Such a rock and roller, says everybody, somebody I used to know. Man, I was a toast of the town back when everyone knew where to go. I was a spaceman in Tulsa, but if you could see behind my eyes, I'm just an empty smile and a song I don't even know that I'm singing. Doesn't anybody wanna be a rock and roll queen? Light your rocket and burn right out of town. Crazy. Vous avez peut-être reconnu la voix, en tout cas celle d'Adam Duritz, qu'on n'avait pas entendue depuis bien bien longtemps. Et bien à l'instant, c'était le dernier morceau des Counting Crows. Et oui, ils reviennent. Souvenez-vous, Mr. Jones, tout ça, les gros gros tubes des années 90 avec un chanteur légèrement torturé, donc avec une carrière en dents de scie. Et bien donc ils reviennent avec ce Spaceman in Tesla. Alors voilà, c'est pas le côté intimiste chair de poule que pouvaient avoir parfois les Counting Crows. Là, c'est vraiment, ils cherchent le gros tube un peu ironique, sarcastique, mais qui en même temps a envie de vendre. Bah voilà, c'était, moi ça m'a fait plaisir de retrouver ce groupe Counting Crows que j'écoutais beaucoup dans les années 90. Et puis Alex Sux, ça c'était vraiment une nouveauté avec Warm in the Sun. Et si nous allions faire un petit tour du côté du Québec avec un monsieur qui est né, je crois, en Alaska, mais qui vit au Québec actuellement et qui a grandi au Québec. Je ne connaissais pas et j'ai découvert ce morceau qui m'a bien plu, donc je vous le colle dans les tympans. Gus Angle On, et le morceau c'est Time. C'est encore une nouveauté, mais ce soir c'est une heure et demie de nouveauté. Check ignition, you can't vision, what's your mission in ignition? Spending common symptoms, temporary loss of vision. Parts that say rosemary and if you're going to Scarborough Fair, remember me to one who lives there. She once was a true lover. Wristwatch stops, I'm moving through. Check ignition, nuclear fission. What's your mission? Then ignition. Time is bending, common symptoms, temporary loss of vision. T minus 3, 2, 1. Blast off. Silence. un petit air d'années 80, mais dans ce qu'elles avaient de meilleur. C'était à l'instant tiré du dernier album de Sharon Van Etten. On s'est déjà passé un morceau de cet album. Et bien, en voici un deuxième dans The Rock, Something Ain't Right, pour cette chanteuse du New Jersey. Et puis juste avant, c'était Gus Engelhorn avec Time. Et lui, il nous venait du Québec. On retourne aux États-Unis dans le Bronx, pour être plus précis, quartier de New York, avec Alinda Segarra, que vous connaissez peut-être plus sous son nom d'artiste Hooray for the Riff Raff, avec le morceau Pyramid Shim. Je crois que c'était pas un album, je crois que pour l'instant c'est un single. Bah voilà, c'est du rock classique américain, mais avec un petit grain de folie, un petit décalage qui fait que c'est pas du rock FM comme on peut entendre par paquet là-bas. Il y a quelque chose en plus pour cette chanteuse qui moi m'émeut, et comme ça m'émeut, la voici dans The Rocks. A pyramid scheme. This is not a joke. There's a hole in the board, and you could paint your portal on the wall with the intention to break through. But every time you bang your head against it, tiny little pieces fall out of your. Certaines personnes sont un peu agaçantes tellement elles sont douées dans plein de choses. C'est le cas de Ben Joyner dont on vient se passer un morceau à l'instant. It's Just a Drummer, c'est ce qui ouvre son album. Et ce monsieur, si je parlais dans le micro ce serait mieux, ce monsieur Ben Joyner, eh bien, est cinéaste également. Il est cinéaste et il est chanteur et il fait bien les deux apparemment. Donc bah, bravo à lui. Et juste avant c'était Hooray for the Riff Raff avec Pyramid Chim. Vous êtes dans The Rocks. Et là, on va se passer... Qu'est-ce qu'on va se passer? Ah oui, un groupe assez étonnant, qui date de 1999, un groupe australien, de Melbourne pour être précis, qui mixe énormément d'influences, c'est parfois grandiloquent. Moi, je ne les connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Je les découvre avec ce morceau-là. Alors, c'est un peu difficile de définir le style, vous allez comprendre en écoutant. Mais il y a quelque chose, et bah voilà, moi, ce morceau, bah, bien plus, s'appelle Devil, le groupe s'appelle The Cat Empire, et c'est vraiment différent de tout ce qu'on a écouté depuis le début. Yeah, the devil dropped by last night, reminded me we had a pact. In my dried blood, he showed me a letter. Guess I loved you back. Ain't it funny how a butterfly wing becomes a heart attack? Ain't it funny how the sound of the dishes can be batter and clash? But the well, oh well, yeah, the well we return to is full of that jug that gives us a flicker of life. Cat in a bag makes no sense, but who said sense was ever really where it's at? The devil dropped by, showed me a letter. Guess I loved you back. I loved you back. Yeah, I loved you back. Now you see what you really don't. Now you stand in a crowded room. I know you're all alone. And that's not bad, that's just true. It's what you always knew. That's not bad, but how far down do you really dare to look? I invited him inside for a cuppa. Man, we had a good laugh. Told him he looked like Antonio Banderas. Just smiled and tipped his hat. When I read it later that night, my whole world damn near crashed. The devil dropped by, showed me a letter. Yes, I loved you bad. I loved you bad. Yeah, I loved you bad. I loved you bad. Through the night and all the way. musique peut sauver des vies. À l'instant, c'était Sunny War, une artiste qui a été déscolarisée très très tôt et qui très tôt a à la fois jonglé avec sa guitare, dont elle est devenue virtuose, et énormément d'addictions. Une vie très compliquée qui semble s'arranger maintenant. Sunny War, donc avec ce morceau Ghost et avec ce jeu de guitare assez éblouissant. Et puis juste avant, c'est The Cat Empire avec Devil, je vous avais prévenu, c'était un peu étrange. Voilà quelque chose d'un peu étrange. D'une artiste que j'aime énormément, j'allais dire que j'aimais énormément, tant elle change, mais c'est normal, elle change puisqu'elle est en transition. Elle s'appelait Emily Zoé, je l'avais interviewée lors de Hop Hop Hop pour On The Rocks, et depuis sa transition, il s'appelle Ellie Zoé, et donc forcément... Avec les traitements, sa voix change, son apparence physique bien sûr change, mais sa voix change également. Et là, le changement est total puisque Ellie Zoé donc a composé son dernier morceau qui est une illustration d'une pièce de théâtre en français, ce qui, je pense, ne lui était jamais arrivé. Alors, forcément, quand il y a une voix qu'on aime, on essaie de la retrouver et on a un peu du mal à retrouver la voix d'Emily Zoé dans cette voix d'Ellie Zoé. Mais ça va être passionnant à suivre puisque c'est un artiste absolument exceptionnel. Et en concert, je m'étais pris une énorme claque en la voyant à l'époque et je suis pressé de le revoir maintenant. Ellie Zoé donc avec un morceau qui s'appelle Les Incendies. En tout cas, il a toujours cette sensibilité à fleur de peau qui faisait tout le bonheur de sa vie d'avant. Pour les saisir et venir maintenant. Qu'on se passe de la variété française dans On The Rocks, mais alors quand elle a ce niveau-là d'écriture, c'est un vrai plaisir. C'était Clou à l'instant, un morceau qui tourne pas mal sur les radios, mais alors vraiment, cet arrière de la voiture est très cinématographique et d'une écriture ciselée. Donc un petit chef-d'œuvre pour moi d'écriture. Et on est avec elle à l'arrière de cette voiture. Clou donc à l'instant dans On The Rocks, et juste avant c'était Elise Howe avec son morceau Les Incendies. Voilà quelqu'un qui revient dans un style complètement différent, une artiste que je défends depuis des années et des années dans On The Rocks et qui nageait. Ses deux albums étaient absolument fabuleux, un peu barré, mais à la fois mélodique et réjouissant, des inventions toutes les 37 secondes. Eh bien, elle n'a jamais vraiment remporté le succès, surtout pas de ce côté de l'Atlantique. Elle s'appelle Rachel Goodrich. Je vous conseille vraiment d'aller plonger dans sa discographie. Elle sort un petit morceau là qui dure un peu moins de 2 minutes, qui s'appelle You Don't Own Your Swing. Et effectivement, ça swing. On a l'impression que c'est un classique du swing et de jazz. Eh bien non, c'est elle qui l'a composé. Et ça me fait vraiment plaisir de retrouver sa voix. C'est beaucoup plus classique que ce qu'elle faisait au départ. Mais voilà. C'est le retour de Rachel Goodrich, donc pour moi, ça me met en joie. Drive to fly like a birdie in the sky. Well, you don't own that swing. You're holding one, looks like a part of me. Oh well, you don't own that swing. Well, drive to fly like a birdie in the sky. Well, you don't own that swing. You're holding what looks like a part of me. Oh well, you don't own that swing. Loosens a bore over who's keeping score. When every day is like a practice day, but you learn just a little bit more. We'll try to fly like a birdie in the sky. Well, you don't own that swing. You're holding what looks like a part of me. Oh well, you don't own that swing. Loosens a bore. Oh, but who's keeping score? When every day is like a practice day, but you learn just a little bit more. Oh yeah, we'll drive to fly like a birdie in the sky. Well, you don't own that swing. You're holding what looks like a part of me. Oh well, you don't own that swing. No, you don't own that swing. Well, the sleepless night was coming down. Something quite, quite profound. There I cried out loud. I have a brand new story. I was coming down. Well, I was coming down, down, down, down. Felt so good, gratitude, when I was coming down. Qu'on reconnaît entre toutes, c'est celle de Van Morrison qui continue son petit bout de chemin, le papy ronchon avec une prise de risque minimum depuis une bonne poignée d'albums. Voilà, ça swing, ça c'est gentil. Mais alors sur ce morceau, je trouve qu'il retrouve un peu de son éclat avec ce morceau Down to Joy qui est une nouveauté. Et puis juste avant, c'était Rachel Goodrich avec You Don't Own Your Swing. On va retourner aux États-Unis puisque là nous étions en Irlande, bien sûr, avec Van Morrison, avec encore une nouveauté. Un morceau qui s'appelle Let Things Go pour ce groupe qui vient d'Ohio et qui s'appelle Camp, c'est dans The Rocks. Goodbye. You can let it go. fall asleep again. You're in the backseat again, flying down the road. With your eyes closed, you can see it in my face. Oh no, it's happening again. I wanna say auditrices et auditeurs d'On The Rocks sont décidément l'oreille bien aiguisée, et Duduche, je vous raconte même pas, c'est même pas aiguisé, là c'est en pointe, c'est le tympan pointu, puisqu'elle vient de m'envoyer un petit message, là ça ressemble à Tom McRae, bah oui, ça ressemble drôlement à Tom McRae, j'allais le dire, tu m'as coupé la chic Duduche, ça ressemble vraiment à Tom McRae, c'est Emile Mosseri, un artiste de 39 ans, américain, avec This Time I Lost My Mind, on dirait du très bon Tom McRae, et puis juste avant c'était Camp avec Let's Things Go, il reste un quart d'heure dans The Rocks, on va se terminer cette émission avec un long morceau psychédélique qui figure sur le dernier album et qui ouvre, c'est même le premier morceau du dernier album des Motor Psycho. Alors Motor Psycho, dans 15 jours, l'album va être chroniqué ici même, à la même heure, 19h-20h30, dans l'édition spéciale de Quij, où trois artistes orléanais, alors là c'est les pointures, il y aura Blutch des Quinks qui sera là, il y aura Sylvain Trémaud des Sockeye Fever et il y aura Mathieu Malon, et ces trois musiciens vont décortiquer quatre albums, celui de Jawar, celui de Motor Psycho, puis je vous laisse les deux autres découvrir la prochaine fois. Eh bien, Motor Psycho, groupe que chérit David Fakenham, commence nouvel album par ce morceau qui dure plus de 10 minutes. Très, très morceau assez fascinant de Motor Psycho. Ça s'appelle Lucifer, Bringer of Light. Si vous aimez les grands morceaux psychés avec un solo de guitare qui dure 3 minutes endiablé, c'est pour vous. En tout cas, pour l'avoir écouté au casque en me baladant, ça a été un petit choc ce morceau. On reparlera de l'album dans son intégralité, qui a des morceaux encore plus longs dessus et des morceaux assez courts. Il y a de tout sur cet album de Motor Psycho. C'est probablement le morceau qui va terminer l'émission. Alors on aura peut-être le temps de se passer un tout petit dernier, mais c'est pas sûr. Ça s'appelle Lucifer Bringer of Light et c'est Motor Psycho. Ça dure un bon moment. Installez-vous. Cette émission Down the Rocks, un petit souvenir de 1997 d'un album qui n'a pas pris une ride. Il est vraiment pas daté cet album. You Am I, c'était un groupe australien. Oui, Didush, You Am I, c'était l'album Howley Daily, produit par George Rakulgas. Un petit chef-d'œuvre. Il n'y a rien acheté sur cet album. Je vous le conseille. Plongez-y. Je vous retrouve la semaine prochaine dans The Rocks et je vous souhaite une bonne nuit avec les petites bandes de Radio Arc-en-Ciel. Ciao et à la semaine prochaine. Difundida na rádio pode ajudar quem nos escuta a chegar mais depressa ao destino ou a evitar esse problema, esse acidente. Se nos escuta no carro, desejo-lhe uma boa viagem, bom regresso a casa. Já vamos à Liga dos Campeões, mas mantemos ainda o foco nas competições nacionais. O Porto empatou com a vitória de Guimarães no Dragão há exatamente uma semana, jogo que não foi comentado porque aconteceu depois da última emissão dos Grandes Adeptos, e venceu em Arouca. Vitória por 2-0, com o Fábio Vieira a marcar o terceiro golo nesta edição da Liga e a mostrar que é determinante neste momento naquilo que a equipa joga do ponto de vista ofensivo. O Porto não sofre golos em Arouca, o que é também algo a salientar. Nuno, impressões rápidas destes dois jogos. Muito rápido. A segunda vitória de Martin Anselmi depois de um empate em casa com a vitória de Guimarães num jogo sofrido. Certo, a pressão sobre Anselmi continuava e continua com a questão dos três centrais. Parece que virou moda bater no Anselmi por causa dos três centrais. Ele, tal como eu tinha dito, faz uma declaração que é controversa durante a semana, dizendo dizendo que se não o contrataram para mudar, porque o contrataram, não é? Certo, e ele, pronto, está legítimo na convicção que tem do Porto poder jogar com este sistema. Vai insistir, eu já tinha dito aqui várias vezes que ele não iria mudar o sistema, por mais que fosse pressionado. É este sistema em que ele acredita e há que respeitar o sistema em que este treinador aplica toda a sua teoria do futebol. Contra o Vitória de Guimarães foi pena aquele gol dos 86 minutos que tirou uma vitória curta do Porto, ainda por cima contra o Vitória de Guimarães, num contra-ataque do Vitória de Guimarães que Djaló não conseguiu impedir. Eu tenho visto o torneio das Seis Nações, eu acho que o Djaló também tem que ver de vez em quando, porque é uma coisa chamada placagem, quando se pode evitar um golo, quando se deixa um avançado sozinho, e foi pena o Porto ter empatado este jogo. Contra o Arouca, o registo fica com o regresso de Marcano, que aguentou 76 minutos, por isso foi um regresso muito saudado, que eu acho que pode dar outra estabilidade à defesa. Sim. Sendo certo que o Otávio fez uma quantidade de disparados, mesmo com o Marcano ao lado, por isso há aqui jogadores que ainda não têm a cabeça no sítio, e eu reconheço ao Otávio que tem qualidades físicas acima da média para ser um ótimo central, mas insistem em continuar a fazer algumas coisas incompreensíveis. Qual é que é o destaque que eu também faço aqui? Fábio Vieira, dois golos em dois jogos, duas bolas à trave em cada um dos jogos, por isso ele está com o pé quente. Mas agora no jogo contra o Sporting de Braga, no próximo sábado, nem vamos ter Fábio Vieira, porque está castigado, não vamos ter Rodrigo Mora, não vamos ter PP, por isso vai ser um jogo muito difícil. Atenção, vai ser um jogo muito difícil. Rodrigo Mora e PP. Rodrigo Mora só deverá estar pronto para jogar contra o Benfica, e PP muito provavelmente só contra o Estoril. É aquilo que dizes, a parte médica do Porto, é o que adivinha. Por isso vamos estar aqui com três ou quatro jogos com uma pressão enorme, culminando obviamente depois com o Benfica, já contando com estes jogadores, por isso não vai ser fácil a tarefa do Porto. Agora, apesar de tudo isto, estamos a 3 pontos na liderança, que é dada a esta hora e neste dia, estamos a 3 pontos da liderança, e é isso que me motiva, obviamente, a estar mais feliz esta semana. É o que pode orientar a reflexão do Nuno Magalhães e do Salvador Malheiro sobre estes dois jogos e esta classificação, que coloca o Porto a 3 dos primeiros, com menos um jogo e com mais 3 pontos do que o Braga, porque depois do jogo com o Benfica, o Braga falhou. Perdeu 3 pontos com o Rio Ave. Sim, mas o Santa Clara está mais afastado, está em quinto com 39. Ou seja, o Porto afasta-se objetivamente do Braga, ganha 3 pontos ao Braga e deixa de estar em situação de empate. Nuno Magalhães? Eu acho que foram dois jogos diferentes. No jogo de segunda-feira, acho que o Porto, eu percebo o lamento do Nuno e dos adeptos do Porto, porque empatar a 3 ou 4 minutos do fim, não é? É sempre